J'avais un frère plus âgé que moi de 7 ans. Il apprenait la profession de mon père. L'extrême affection qu'on avait pour moi le faisait un peu négliger. Et ce n'est pas cela que j'approuve. Son éducation se sentit de cette négligence. Il prit le train du libertinage, même avant l'âge d'être un vrai libertin. On le mit chez un autre maître, d'où il faisait des escapades, comme il en avait fait de la maison paternelle. Je ne le voyais presque point. À peine puis-je dire avoir fait connaissance avec lui. Mais je ne laissais pas de l'aimer tendrement. Et il m'aimait autant qu'un polisson peut aimer quelque chose. Je me souviens qu'une fois que mon père le châtiait rudement et avec colère, je me jetai impétueusement entre deux, l'embrassant étroitement. Je le couvris ainsi de mon corps, recevant les coups qui lui étaient portés, et je m'obstinai si bien à cette attitude qu'il fallut enfin que mon père lui fît grâce, soit désarmé par mes cris et mes larmes, soit pour ne pas me maltraiter plus que lui. Enfin, mon frère tourna si mal qu'il s'enfuit et disparut tout à fait. Quelque temps après, on sut qu'il était en Allemagne. Il n'écrivit qu'une seule fois. On n'a plus eu de ses nouvelles depuis ce temps-là. Et voilà comment je suis demeuré fils unique.